a story, let it be a blaze of glory, burning bright, never fade away. When the final curtain falls, we can say we did it all, the never ending of a perfect day. Can't stand still, I won't slow. Et son titre Dancing sur RGM. 8h36 passé de quelques secondes. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 28 mai 1931, naissance de Carole Baker, actrice américaine connue pour son rôle de Baby Doll Megan dans le film Baby Doll, vue également dans La Conquête de l'Ouest dans le rôle de F. Prescott Rawlings. 1944, naissance de Jean-Pierre Léo, acteur français vu dans Matahari, masculin féminin, baiser volé dans le rôle d'Antoine Doinel, ou encore Le Dernier Tango à Paris. 1947, naissance de Bernard Mabille, humoriste français. 1956, naissance de John Wells, producteur américain qui a produit les séries Urgence, New York 911 ou encore À la Maison Blanche. 1962, naissance de François-Henri Pinault, célèbre homme d'affaires français. C'est également l'année de naissance de James Michael Taylor, acteur américain connu pour son rôle de Gunther dans la série Friends. 1966, naissance de Roger Campbell, réalisateur américain connu pour avoir réalisé les films Sex Intention 1 et 2. 1968, naissance de Kylie Minogue, chanteuse et également actrice australienne, apparue dans Moulin Rouge ou encore San Andreas. 1969, naissance de Valérie Barlois, ancienne escrimeuse française qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'or en épée par équipe obtenue en 1996, une médaille d'argent en épée individuelle en 1996 également. Championnat du monde, elle a remporté une médaille d'or en épée par équipe en 98, deux médailles d'argent en épée par équipe en 91 et 95, et une médaille de bronze en épée par équipe obtenue en 1997. 1971, naissance d'Isabelle Carré, actrice française vue dans Le Hussard sur le Toit, Beaumarchais l'Insolent, Les Enfants du Marais dans le rôle de Marie, Se souvenir des belles choses dans le rôle de Claire Poussin qui lui a valu le César de la meilleure actrice, et vue également dans Garde Alternée. 1972, naissance de Chiara Mastroianni, actrice française vue dans Prêt-à-porter dans le rôle de Sophie Choiset, rêveuse jeunesse, Les Bien-aimés dans le rôle de Vera ou encore La Rançon de la Gloire dans le rôle de Rosa. 1974, naissance de Romain Duris, acteur français vu dans Le Péril jeune dans le rôle de Tomassi, Doberman, L'Auberge espagnole ainsi que les suites, hein, Les Poupées russes et Casse-tête chinois dans le rôle de Xavier Rousseau, vu également dans Arsène Lupin dans le rôle d'Arsène Lupin, De battre mon cœur s'est arrêté dans le rôle de Tom, vu également dans L'Arnaqueur dans le rôle d'Alex Lippi, L'écume des jours dans le rôle de Colin, Iris ou encore Dans la brume. 1978, naissance de Sylvie Tellier qui fut Miss France 2002, actuellement directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation. 1979, naissance de Jesse Bradford, acteur américain, vu dans Roméo et Juliette dans le rôle de Balthazar, dans American Girls dans le rôle de Cliff Panton ou encore Mémoire de nos pères dans le rôle de René Gagnon. 1983, naissance de Mégaline Eshinkunwok, actrice américaine, vue dans la série télé 24 heures chrono dans le rôle de Nicole Palmer, That 70 Show dans le rôle d'Angie Barnett, Les 4400 dans le rôle d'Isabelle Tyler, Les Experts Miami dans le rôle du docteur Tara Price ou encore dans Arrow. 1985, naissance de Colby Kayat, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance de Carey Mulligan, actrice américaine vue dans Public Enemies dans le rôle de Carol Sleeman, Wall Street, L'Argent ne dort jamais dans le rôle de Winnie Jeco, Drive dans le rôle d'Irene, en 2014 dans Gatsby le Magnifique, aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le rôle de Daisy Buchanan. 1991, naissance d'Alexandre Lacazette, footballeur français, qui de 2010 à 2017 2007 a joué à l'Olympique Lyonnais et depuis 2017 il joue à Arsenal. En 1849, décédée Anne Brontë, écrivaine britannique. En 1972, décédé Édouard de Windsor, connu sous le nom d'Édouard VIII du Royaume-Uni, qui a été roi du 20 janvier 1936 au 11 décembre 1936. Il est l'un des monarques ayant eu le règne le plus court de l'histoire de la monarchie britannique. Il ne fut d'ailleurs jamais couronné. Édouard VIII avait décidé d'abdiquer. En 2010, décédé Gary Coleman, acteur américain connu pour son rôle d'Arnold Jackson dans la série Arnold et Willy, vu également dans Marié et deux enfants, Le Prince de Bel-Air ou encore Ma famille d'abord. Et en 2017, on apprenait le décès de Jean-Marc Thibault, acteur humoriste français, connu notamment pour son duo comique avec Roger Pierre, vu dans Les Bidasses au pensionnat, Mon curé chez les nudistes, Un homme et son chien, pour la série télé Maggie dans le rôle de Georges Boissier et la série Terre Indigo dans le rôle de Léon Bousquet. Ce week-end, nous avons appris le décès de Pierre Bellemare, qui nous a quittés à l'âge de 88 ans, célèbre homme de télévision et de radio. Allez, on va tout de suite se marquer une nouvelle pause musicale avec le tube de Colby Kayat intitulé « Peublé ». Count me in. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time. Wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Stay for a while now. Just take your time. Wherever you go. I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. Every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Colby Kayat avec le titre Bubbly sur le 107 FM. Il est presque 8h45, on fait un point météo. La météo. Alors, pour le moment, on a quand même le droit à quelques éclaircies, même si sur le secteur de Remiremont, c'est pas mal nuageux et les orages seront parmi nous aujourd'hui. Voilà pourquoi il fait plutôt assez lourd actuellement. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 23 et 25 degrés cet après-midi. Pour mardi et mercredi, ce sera encore des journées orageuses, avec pour mardi des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés l'après-midi. Et pour mercredi, ce sera plutôt entre 16 et 17 degrés le matin et entre 22 et 24 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur toute l'actualité sportive de ce week-end. Les résultats sportifs. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ce lundi matin, on va tout de suite commencer avec le football et la finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid à Liverpool. Il y a eu quelques blessés malheureusement, mais c'est le Real Madrid qui s'est imposé dans cette finale. 3 buts à 1, des buts signés Benzema à cause d'une des boulettes du gardien de Liverpool notamment, et un doublé de Gareth Bale. C'est la troisième Ligue des Champions consécutive pour le Real Madrid ainsi que pour Zinedine Zidane qui devient ainsi le premier entraîneur à gagner 3 Ligues des Champions consécutivement. Où va-t-il s'arrêter, Zizou ? Eh bien, réponse l'année prochaine hein, avec de nouveau la Ligue des Champions. Mais voilà, vraiment incroyable ce que fait le Real Madrid et notamment Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Et on va rester avec les Bleus ce soir. C'est un match amical entre France et la République d'Irlande. Alors, la composition probable de l'équipe de France, parce qu'on ne sait jamais, elle peut changer, ce serait Mandanda dans les buts avec Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy, Tolisso, Nzonzi, Matuidi en tant que capitaine, Mbappé, Giroud et Fekir. Et côté remplaçant, on aurait Lloris, Areola, Pavard, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kanté, Lemar, Griezmann, Dembélé et Thauvin. Voilà donc pour la compo de ce soir. Rendez-vous avec 20h45 pour le coup d'envoi, voire 21h. On parle maintenant basket avec les playoffs en Pro B. C'est déjà fini pour Nancy qui s'est incliné dans ses deux rencontres face à Fos-sur-Mer, 77 à 62 à l'aller et 60 à 73 au retour. Et en NBA, Cleveland qui a battu cette nuit Boston dans le match numéro 7 file en finale. Et cette nuit, ce sera le match numéro 7 entre les Golden State Warriors et Houston. On connaîtra donc l'affiche de cette finale qui s'annonce palpitante. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco remporté par Ricciardo devant Vettel et Hamilton. Esteban Ocon se classe 6e, Pierre Gasly se classe 7e et Romain Grosjean termine à un tour 15e. Un mot de handball, messieurs, avec la Ligue des Champions et un triplé pour les clubs français puisque Montpellier remporte cette Ligue des Champions, Nantes termine 2e et la 3e place et pour le Paris Saint-Germain. Un mot de hockey sur glace avec la finale des playoffs de NHL qui commence cette nuit avec le match numéro 1 entre Las Vegas, l'équipe de Pierre-Édouard Belmar, je vous le rappelle, et les Washington Capitals. Un mot de cyclisme avec le Giro qui s'est donc terminé hier et qui a été remporté par Chris Froome. À noter l'abandon de Pinot qui a été d'ailleurs hospitalisé. Il souffre d'un début de pneumopathie, il va devoir observer une période de repos. Et on termine avec le tennis. Tout d'abord, le tournoi de Lyon qui a été remporté par Tim qui a battu en finale Gilles Simon en 3-7. Et on fait un gros point sur ce qui s'est passé à Roland-Garros hier. Honneur aux dames, Alizé Cornet s'est qualifiée pour le prochain tour en battant en 3-7 Sarah Errani 2-6, 6-2, 6-3. Malheureusement, ça ne passe pas pour Amandine Hess qui s'est inclinée en 2-7 face à Brady, 6-1, 6-1. Et le match entre nos deux Françaises, Paquet et Parmentier, a été suspendu à cause de la nuit. Il reprendra aujourd'hui. Ça passe également pour Svitolina. En revanche, la tenante du titre, Yelena Ostapenko, s'est inclinée en 2-7, 7-5, 6-3 face à Kozlova. Élimination également de Venus Williams qui s'est inclinée en 2-7, 6-4. 6-4, 7-5 face à Wang. Et également élimination de la tête de série numéro 27, Konta. Au programme d'aujourd'hui, Mladenovic affrontera Petkovic. Dodin se repose à Watson et Poncher affrontera Safarova. Il y aura également Kvitova face à Sepederog, Wozniacki face à Collins, Sharapova opposée à Hogenkamp. Il y aura également les matchs de Van de Veg, Pliskova, Suarez, Navarro, Mertens, Kazatkina ou encore Keys. Côté messieurs, à noter le forfait de Nick Kyrgios. Et côté tricolore, Lucas Pouille s'est qualifié pour le prochain tour mercredi en 3-7 face à Medvedev, 6-2, 6-3, 6-4. Mon fils s'est qualifié face à son compatriote Bedjetrit en 4-7, 3-6, 6-1, 6-2, 6-1. Moutet s'est qualifié en 3-7 à 19 ans pour le second tour de Roland-Garros face à Karlovic, 7-6, 6-2, 7-6. En revanche, élimination de janvier en 3-7 face à Nishikori, 7-6, 6-4, 6-3, qui était vraiment déçu de lui à la fin du match vu qu'il avait eu quelques petites occasions. Élimination également du français Barrère en 5-7 face à Albot, 4-6, 0-6, 7-5, 6-1, 6-2. Ça passe pour Dimitrov, pour Alexander Zverev, qui n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Goffin s'est fait peur, mais s'est qualifié. Carreno Busta s'est également qualifié. Et Verdasco nous a encore donné un petit marathon pour se qualifier pour le prochain tour. Au programme d'aujourd'hui, alors il va y avoir des beaux matchs, hein, avec notamment 4 joueurs français sur les courts. Richard Gasquet affrontera Andreas Seppi, Benoît Paire se reposera à Garbelez Buena, Emery affrontera Schwartzmann et Gilles Simon se reposera à Basilashvili. Il y aura également Novak Djokovic face à Dutra Silva, Rafael Nadal opposé à Bolelli, Wawrinka affrontera Garcia Lopez, Dominique Thiem affrontera Ivashka. Il y aura également les matchs de Bautista Agut, Schreiber, Couéret, Ferrer ou encore John Isner. Voilà pour l'actualité sportive, on a fait le tour. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Maître Gims, Vianney sur le titre La Même. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey on y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même.